Alors bonjour, donc, moi je suis Priscilla de l'association Les Petits Débrouillards. Donc, c'est une asso qui fait de la diffusion de la culture scientifique et technique. Parce que par le principe que les sciences, c'est pas qu'une affaire de personnes qui savent, qui sont dans leur tour d'ivoire et que les petits citoyens sont en bas donc à subir les connaissances scientifiques et techniques. On pense que les citoyens peuvent se les approprier. Du coup, on fait pas mal de projets avec les jeunes, mais pas que. Avec les petits, on monte pas mal d'animations. Donc on est sur des projets de sensibilisation à plein de choses et on favorise beaucoup la participation des enfants et des moins enfants aux projets qu'on peut mener. Donc je vous invite après à nous rejoindre pour discuter des projets qu'on mène et puis comment est-ce qu'on peut s'y impliquer. Et juste sur la transition, notre lien aussi qui est très fort, c'est qu'on a un réseau national qui est très impliqué sur les questions, qui est basé à Paris évidemment, qui fait plus du lobbying un peu politique, je dirais, et qui est en train de monter une campagne de sensibilisation là-dessus assez forte avec des moyens importants qui voilà, localement va se concrétiser par des petits projets dans chaque antenne régionale.